Pour la première fois, Nicolas reste à la maison, au lieu d'aller au champ. On pourra bientôt faire sans moi. La vie me pousse à l'écart, une fois de plus. Comment peux-tu parler ainsi ? Tu as toujours fait ton devoir. Bon capitaine dans les guerres, bon juge ensuite dans nos villages. Que voudrais-tu encore ? Je ne sais pas. C'est une chose étrange qui m'arrive aujourd'hui. Je revois toute ma vie passée. Toutes les choses que j'ai dû quitter. Je retrouve cette force qui m'arrache toujours à tout ce que j'aime. Je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. J'ai prié et jeûné longtemps, rien n'y fait. Je suis dans la nuit et de nouveau des voix m'appellent. Je revois mon passé devant moi, comme un livre d'images. Les grandes pages sont tournées l'une après l'autre et tout est là. Tiens, ma vie à l'armée. J'entends encore la fanfare dans la nuit.